Chapitre 29e. Une haine tenace. L'entretien devenait de plus en plus pénible, mais Dutilleul se devait de poursuivre. « On ne peut pas dire que sa mort vous ait beaucoup affecté. Pensez de moi ce que vous voulez, monsieur le commissaire, mais je n'ai jamais aimé jouer les hypocrites. Je vous l'ai dit et je vous le répète, Samson n'était pas un ami. Je le supportais parce que j'y étais contraint et parce que j'y trouvais mon compte, mais cela n'allait pas plus loin. Que pensiez-vous de Marie ?» Jean-Jacques Mousseron révéla soudain sa vraie nature, celle d'un être amer et frustré. Marie était une idiote, remarquablement belle mais incroyablement stupide, qui n'avait Dieu que pour son cher Samson. Pour elle, je n'existais pas. J'étais pourtant franchement mieux que lui, surtout à l'époque. J'avais déjà assez mal vécu l'épisode de la nature morte, mais là, franchement, c'était plus que je ne pouvais en supporter. Quand il s'est pavané au bureau avec Marie, je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'il y avait mal donne. Comment une fille aussi belle avait-elle pu tomber immédiatement sous le charme d'un type comme Samson? C'était vraiment à n'y rien comprendre. Maintenant, je peux bien vous le dire, tiens, pour ce que cela d'importance. La vérité est que je les ai haïs, tous deux, dès l'instant où je les ai vus ensemble. Pourquoi haïr Marie? Après tout, elle ne vous avait rien fait. Rien fait! Elle passait son temps à m'ignorer. Visiblement, elle n'avait pas de temps pour moi. Et pourquoi le cacher? Je l'ai très mal vécu. Peu à peu, j'étais rejeté du cercle des intimes, alors que franchement, je ne le méritais pas. Si seulement Marie avait fait un peu plus attention à moi, au lieu de rire des blagues lourdes de Samson. Pourquoi ne riait-elle jamais quand je racontais une histoire? Même si elle ne s'est jamais permis de le montrer, je savais bien que je l'ennuyais profondément, et ça, je ne le supportais pas. Elle pouvait bien faire la fière, c'était tout de même un peu grâce à moi, si ses mêmes process tournaient aussi bien. Mais visiblement, cela ne comptait pas. Samson Chardy a-t-il changé d'attitude envers vous quand il a rencontré Marie? Non. D'ailleurs, pourquoi l'aurait-il fait? J'ai toujours scrupuleusement respecté le contrat. Pourtant, vous ne vous estimez pas récompensé à la hauteur de vos efforts. Pas entièrement, en effet. Je ne comptais pas mes heures et je ne les compte toujours pas. Samson n'a jamais mesuré combien je croyais en CM Process. Il a toujours tenu ma contribution pour négligeable et je le supportais de moins en moins. Que voulez-vous? Pour lui, je n'étais que le boutiquier, mais ce qu'il oubliait volontiers, c'est que le boutiquier lui permettait de mener une vie des plus confortables. Avait-il de gros besoins financiers? Non, ça on ne peut pas dire, en dehors de ses foutues voitures de course. Dutilleul cherchait à récapituler ce que lui avait dit Jean-Jacques Mousseron. Donc, si je me réfère à vos propos, la mort de Samson Chardy vous a en quelque sorte soulagé. Vous aviez enfin les mains libres pour faire prospérer CM Process à votre idée. Je n'ai jamais cherché à le nier, se récria celui-ci. Pour respecter les convenances, je me suis forcé à être présent à l'enterrement, mais je pensais déjà à l'avenir de la société. Samson faisant désormais partie du passé, je n'ai eu aucune difficulté à tourner cette page, et tant pis pour les grincheux. Je me passe volontiers des formes quand celles-ci ne sont pas strictement nécessaires. Bien m'en a pris d'ailleurs, car en électronique, comme dans bien d'autres domaines, vous ne pouvez pas vous permettre de rester en arrière, surtout parce que quelqu'un s'est tué bêtement en voiture. Le sentiment ne fait jamais très bon ménage avec les affaires. Il est vrai que si je me réfère à la plaquette de présentation de CM Process et à vos résultats financiers, on peut dire que vous avez réussi au-delà de toute espérance. Dutilleul sentit que Jean-Jacques Mousseron n'était pas peu sensible aux compliments, ce qui augmenta d'autant son antipathie à son endroit. C'est ma fierté, fanfaronna Mousseron. Grâce à l'exploitation du carnet de croquis de Samson, je suis parvenu à gagner au moins 15 ans d'avance sur mes concurrents directs. Mes marges sont tellement confortables que je peux me permettre de rémunérer convenablement mes salariés. Mes usines en Asie ne sont pas seulement les plus modernes, elles sont aussi les plus sûres. J'ai fait réviser toutes les procédures de fabrication afin d'exposer le moins possible les ouvriers. Je suis très strict sur le respect des horaires et les normes de sécurité. Je fais régulièrement procéder à des inspections surprises et il n'y a pas 2 mois, j'étais à Taïwan pour vérifier les choses de visu. Croyez bien, monsieur le commissaire, que mes principaux concurrents n'ont pas de tels scrupules. Dans mes usines, j'ai imposé un âge minimum légal qui est très strictement contrôlé. Je ne veux pas voir des enfants manipuler des produits dangereux pour un maigre bol de riz. Dans 15 jours, je repars pour inaugurer une école qui pourra, à terme, scolariser environ 400 enfants des deux sexes. car je compte bien que les petites filles ne soient pas oubliées, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. » Dutilleul n'aimant guère cette soudaine évocation des actions humanitaires de son interlocuteur, il choisit de recentrer le débat. « En parlant de petites filles, vous ne sembliez guère montrer d'attachement vis-à-vis de Marion Chardy. Elle aussi, vous la haïssiez ?»« Marion Chardy ?» répondit Mousseron, sincèrement surpris. « En vérité, elle m'était parfaitement indifférente. » »« Comprenez. Si encore elle avait hérité de l'incroyable beauté de sa mère, j'aurais sans doute pris plaisir à la guider. Seulement je la trouvais si quelconque. » »« Pardonnez-moi, mais sur les quelques clichés que j'ai pu voir, c'était tout de même une très jolie jeune fille. » « Certes, mais je vous l'assure, elle paraissait franchement fade en comparaison de sa mère. » »« Comprenez-moi, Marie irradiait littéralement. Je n'oublierai jamais ses jambes sublimes, longues et fuselées. Je n'ai jamais croisé de fille qui en avait de semblable par la suite. »« Êtes-vous marié, monsieur Mousseron ?»« Oui, monsieur le commissaire. » Cette réponse sonna comme une insulte aux oreilles de Dutilleul, mais celui-ci garda tout son calme. Jean-Jacques Mousseron, tout infect qu'il soit, ne parviendrait pas à le faire sortir de ses gonds. Il le laissa donc poursuivre, d'autant que la vie privée de son interlocuteur pouvait se révéler instructive. « Depuis 13 ans, et si vous voulez tout savoir, je n'ai jamais trompé ma femme. Ceci pour répondre par avance à la question que vous n'alliez pas manquer de me poser. J'ai 3 filles, que j'aime énormément, car oui, monsieur le commissaire, je suis aussi capable d'aimer, même si mes propos peuvent donner à penser le contraire. » Pour en revenir à Marion Chardy, vous semblait-elle attentive au conte que vous lui présentiez? Comme je vous l'ai dit en début d'entretien, elle m'a posé 1 ou 2 questions, mais à aucun moment elle n'a souhaité d'éclaircissements supplémentaires, même si les éléments étaient à sa disposition. Elle était donc satisfaite de votre gestion. Jean-Jacques Mousseron se montra soudain sarcastique. Elle n'avait pas à se déclarer satisfaite ou non. Tout était et est toujours strictement contrôlé. « On peut sans doute me reprocher beaucoup de choses, monsieur le commissaire, mais je n'ai jamais confondu mon intérêt propre avec celui de CM Process. Les biens que j'ai acquis l'ont été à la régulière. Croyez bien que l'administration fiscale me tient suffisamment à l'œil pour m'ôter toute envie de biaiser. » Marion Chardy n'avait donc aucune raison objective de vous réclamer des comptes? Bien sûr, elle aurait pu pinailler, mais encore aurait-il fallu qu'elle ait les connaissances nécessaires. Elle était encore bien jeune, vous savez. Quelqu'un pouvait lui monter la tête. Comme le sieur Boucharif. Vous étiez au courant de son existence? Naturellement, répondit Jean-Jacques Mousseron avec une bonne dose d'arrogance. Maître Vérel m'avait fait part de l'épisode de la télé, et pas plus que lui je n'ai approuvé cette soudaine manière de faire. J'ai toujours fait en sorte que Marion Chardy ne perde pas le sens des réalités, et surtout qu'elle ne se laisse pas influencer bêtement par les uns ou par les autres. Je savais qu'elle pouvait constituer à terme une très jolie cible, et croyez bien que je n'ai pas été très heureux d'apprendre qu'elle s'était entichée de ce Boucharif. Quand Maître Vérel m'a proposé de le rencontrer pour tâter le terrain, je n'ai pu que donner mon consentement. J'avais beau ne guère avoir de sentiments pour Marion, je ne voulais pas pour autant qu'elle se fasse plumer par un individu de la trempe de ce Boucharif. J'avoue, sans honte, avoir respiré quand celui-ci s'est retrouvé sous les barreaux. J'ai pensé que l'alerte avait été chaude, et j'ai pu sincèrement louer l'excellent travail de Maître Vérel en cette occasion. Au moins, celui-ci méritait largement ses appointements. » Ce compliment inattendu de la part de Jean-Jacques Mousseron ne devait pas être pris à la légère, car la chose ne devait pas lui être coutumière. Saviez-vous que Marion Chardy lui avait demandé de continuer à gérer ses intérêts pour 3 années supplémentaires? Évidemment, c'est moi qui le lui ai suggéré. Que voulez-vous, je la trouvais trop jeune, trop vulnérable. Alors que, d'un autre côté, Vérel était un très grand professionnel. Je l'ai fait parce que, du jour au lendemain, elle se serait retrouvée à gérer des intérêts considérables qui la dépassaient complètement. J'avais déjà dû faire face dans le passé aux nombreuses bourdes du père. Je ne souhaitais pas recommencer avec la fille, même si, bien heureusement, elle ne semblait pas sortie du même moule. Je comptais sur Vérel pour l'impliquer petit à petit, et je dois dire qu'à ma plus grande satisfaction, Marion approuvait mon idée. À présent, bien sûr, la question n'est plus de mise. En êtes-vous soulagé? Oui et non. Comme je vous l'ai dit, Marion n'a jamais été un problème. Pardonnez-moi, monsieur Mousseron, mais j'ai un peu de mal à comprendre le peu d'émotion dont vous avez témoigné lors du meurtre de cette dernière. si l'une de vos filles s'était fait massacrer de la même manière ? Vous venez vous-même de rappeler la différence fondamentale. Marion Chardy n'était pas ma fille, elle n'était que la fille de mon associé. N'étiez-vous pas moins son parrain ? Jean-Jacques Mousseron ne se démonta pas un instant. En fait, je n'ai jamais considéré cet engagement comme valable. Pourtant, Samson Chardy ne vous a pas forcé la main, ce me semble. Cela revenait au même. Je suis devenu le parrain de Marion parce que je ne pouvais pas réellement faire autrement, et surtout parce qu'il n'y avait personne d'autre. Samson Chardy avait confiance en vous. Il n'aurait pas dû, voilà tout. Comprenez donc, j'étais encore jeune à la mort de Samson, et je n'avais vraiment aucune envie de m'encombrer d'une gamine qui ne m'était rien. Vous avez un sens de la famille pour le moins restreint. C'est comme cela. Je m'occupe de mes propres affaires et croyez bien que cela me suffit amplement. Je n'ai guère de temps à accorder, alors je dois me montrer le plus sélectif possible. CM Process vous a tout de même apporté une certaine aisance. Dû entièrement à mon propre investissement dans l'affaire. Je n'ai volé personne, et je ne vois pas pourquoi je devrais rougir de ce que je possède. Je suis de plus un contribuable exemplaire. Peu de gens peuvent en dire autant.